À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le homepage d'internet polonais La République Populaire Démocratique de Corée a présenté avec des photos du général l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, accélérant l'édification d'une patrie riche et puissante grâce à la mise en valeur du patriotisme Kim Jong-il.